FrenchPod.com. Le match a déjà commencé? Chut! T'as manqué les 5 premières minutes? Hey, j'étais coincé dans les bouchons! Je te dis pas comme je suis énervé! Oh, notre équipe ne joue pas très bien pour l'instant. J'en étais sûr! Notre meilleur joueur est absent! Je t'avais dit qu'il ne serait pas rétabli à temps. Oh purée! On a failli prendre un but. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air en forme, hein. Allez, courez! Bien, c'est beau ça, allez, oui! Oh, faute! Ouais, mais il y a coup franc! Quoi? Non, l'arbitre siffle pas. Il est contre nous, quoi. Ça mérite un carton jaune, ça. Il faut que l'entraîneur fasse quelque chose à la mi-temps. Ouais, il faut faire rentrer un, voire deux remplaçants. Attends, c'est une belle occasion qu'on a là. Si le numéro 7 arrive à passer le ballon à l'attaquant... Là, oui, c'est fait. Regarde, il a réussi à contrôler la balle. Ouais. Il n'y a plus qu'un défenseur, bien. Il l'a mis dans le vent. Parfait! Il est seul devant le gardien. Attention, il va tirer. Non! Jolie fin de frappe. Il va marquer. But! But! But! But.